pas de date, que du concret. Entouré de la bonne équipe, entouré de la bonne équipe. Ouais, et tu le sais, et tu le sais. Ouais, 2016. Avant de toucher nos petites sœurs, fils de pute, faudra d'abord que tu passes par nous. La concu, je la termine, choc en interview. Je les ai vus par terre, c'est de la S qu'ils éternuent. Je côtoie le Tertus, les pétasses, les perquises, les bécanes. Rose pleine d'épines, gros, j'ai perdu les pétales. Dans mon équipe, que des bonhommes, Michael, on a perdu les pédales. Bah ouais, j'ai trop la dalle, je veux ma place comme Rosa Parks. Bande de grosses folles, vous méritez des grosses rafales. Tiens, comme dirait les Komoko, du quartier, quartier nord, on a le soin des Qataris, la technique des Catalans. Et quand c'est trop la haine, on a le toit à la Catalane, on a plus le temps de se bagarrer. Dis-moi pourquoi t'as raf, avant de m'en aller au doigt, il me faut 2-3 caras. Le 47 AK, te transforme en calamar. J'ai dans les nails, tour sur Peco Peco. Ramène la repute, dont il a Pécou Pécou. Détaille les plaquettes, plaquettes, fais ce qu'il est Pouki Pouki. J'suis sur la banquette arrière, les pas que par l'autoki. Eh, dis-moi t'as quoi, ou dis-moi t'es qui. Tu sais rien faire à part parler de ton pote, t'es juste un déco. Calvé comme des dents cuir, si tu bouges, on t'encule. T'as le cul entre deux chaises, j'ai la bite entre deux culs. Tu marches ou tu crèves, aucun élève au-dessus du maître. Mon équipe fait rentrer du pèse, balle dans la tête pour être sûr que tu t'aimes. N.I.N.H. N.I.N.H. Pas de phrase, des mots, mucho dinero, bonnet, baro. Numéro 1 sur le terre. Adhère ou nique ta mère. On travaille la pestu en hiver, pour passer l'été au bord de la mer.